Papito, il tombe pas le dos. Calibré, même au resto. Papito, la vie c'est de l'eau. Il a vu des choses qui font. Il a du dépe, il joue sous pépé. Il fait des tépés pour prendre des Giuseppe. En met dans le coiffeur, c'est trop tendu comme tépé. Faut discréditer. Rafale, rafale, boum. Dans le trait, ça se croit dans Doom. Je fais voir une gadi dans Doom et je disparais comme Cotton. Avant j'étais R, maintenant je roule en GTR. Touche famille, je déterre. Sans faire le soir, je n'ai pas. Ouais, le gros sur le palier, on est des tauliers. Ouais, même sur du Vianney, on rappe le quartier. Ouais, c'est automatique. Y'a plus de l'ovni, y'a plus de logis. J'ai même changé mon vite, mon givre et ma vie veulent tout gâcher. Vont revivre, vont cacher, je suis un mec en calendrier. On veut le monde comme Tony. On veut le monde comme Tony. On veut le monde comme Tony. On veut le monde comme Tony. Et ces bâtards ils en tirant. Et ces bâtards ils en chirant. Le mauvais oeil nous attirant. Je serai à 400 dans la Bugatti Chiron. Tu crois que tout va bien, t'es pas ce qui se passe dans la tête. Ça nique des gens, gros, même en chienne. Donne pas de go, donne pas d'adresse, donne pas la paix de ma caisse ou celle de tu sais qui est maintenant. Tu sais qui me sert, c'est que sa grand-mère. J'écris mal, j'fais des fautes de grammaire. Le secteur, il est cramé. Ta location, on la met de travers. Mais ta gars, c'est chez Zulu. On sait qui c'est les hommes. Ma beauté, qu'elle est belle. Je ferai tout pour elle. Beauté du haut level. Avec un corbeau. Apparemment t'as changé. J'ai dépensé tellement de sous dans les boutiques des choses. Quand tout qui me tombe dessus, faut le voir pour le croire. On va faire la fête donc j'oublie tout ce soir. Je vais danser, danser, danser, danser, danser.